Voici le récit d'un moine anglais, que Pierre le Vénérable abbé de Cluny et Denis le Chartreux ont partagé. Denis le Chartreux assure que Saint Nicolas avait été vu plusieurs fois dans le purgatoire. Il consola les âmes qu'il avait honorées dans leur vie, et les délivra des peines, pour les conduire avec lui dans la gloire éternelle. Il rapporte que dans un ravissement, du jeudi saint au vendredi, Saint Nicolas conduit un moine anglais dans différents lieux du purgatoire, pour qu'il voie l'horreur des tourments, ce que subissaient les prisonniers, et apercevoir la rigoureuse justice de Dieu pour avancer dans la perfection de son état. Quand j'étais moine, j'avais pour guide Saint Nicolas. Au bout d'un plat chemin, il me fit découvrir un espace immense qui fourmillait de défunts qui étaient tourmentés d'affreuses manières. J'entendis que c'était le purgatoire, et que ces gens-là n'étaient pas damnés, mais leur supplice finirait avec le temps. Néanmoins, ces malheureux gémissaient et pleuraient profusément. Un peu plus loin, je vis une vallée. Un fleuve de feu s'y écoulait, et des tourbillons s'élevaient à une hauteur considérable. Au bord de ce fleuve de feu cependant, il faisait froid, si glacial qu'il est impossible de concevoir. Alors que Saint Nicolas me conduisait, il me fit remarquer les innombrables malades qui se trouvaient au purgatoire. Nous sommes allés plus avant, jusqu'en enfer. Ça ressemblait à un champ sec, recouvert de très épaisses ténèbres, que des ruisseaux, bouillants de soufre, entrecoupaient. On ne pouvait pas faire un pas sans marcher sur d'énormes insectes, difformes, aux narines qui soufflaient du feu. Le supplice des coupables de là était de se faire tourmenter par les démons. Il les attrape avec des crochets pour les jeter dans des bouilloires, et les faire dissoudre dans des liquides. Leur forme leur est ensuite rendue, et de nouvelles tortures recommençaient. Tout se faisait en bon ordre. Chacun se faisait tourmenter suivant son crime.